Parler de la NFL avec notre ami Tony Guzzo, le Blitz NFL qui est probablement rendu une des bonnes références au Québec de la NFL. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Tony. D'abord, une nouvelle qui vient de tomber. Bill Belichick a quitté la conférence de presse, écœuré de se faire répondre aux questions sur Antonio Brown. Moi, j'ai l'impression que, écoute, je viens de te l'écrire là. Ce gars-là a besoin de marcher fesses serrées, marcher douette, parce que j'ai l'impression que Bill sera pas content, sera pas patient avec, parce que le cirque est de. Bill, c'est pas le gars le plus loquace, mais quand même, je pense que c'est pas son style non plus d'être dans un cirque. T'as entièrement raison. Puis en plus, Bill Belichick marche un peu sur les œufs parce que la NFL exige que les entraîneurs donnent des conférences de presse. Donc, sauf que c'est drôle parce que c'est arrivé à même à Ron Rivera hier avec Cam Newton, là, parce que là, les journalistes, ils n'arrêtent pas de parler de ces gens-là. Puis, mais j'espère que les Patriots savaient dans quoi qu'ils embarquaient, parce que même si c'était pas les accusations d'agression sexuelle là, d'Antonio Brown, il amène quand même un cirque avec lui. Donc, j'espère que les Patriots le savaient. Peut-être ils se pensaient, plus intelligents de dire qu'on va être capable de le gérer. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont capables de gérer le joueur, je crois. Mais là, le problème, c'est les médias, là. Fait que, puis le pire, c'est que, ben, je comprends que les médias veulent avoir la nouvelle, mais tu sais, on connaît Bill Belichick en plus. Déjà là, il donne pas autant d'informations. Fait que, imagine sur quelque chose. Fait que, faut qu'il pose la question au niveau de football. Mais je le comprends, c'est un petit message, mais ça parlait même que ça se peut que Bill, on va voir comment que la NFL va réagir, mais ça a l'air que quand un entraîneur débattent d'une conférence de presse ou quittent une conférence de presse, ils ont des amendes. Fait que là, j'ai hâte de voir ça, mais les médias, en tout cas, je comprends, mais tu sais, quand le coach il dit j'en veux pas de questions, là, pose-en pas, là, puis mais les Patriots, là, comme tu dis, s'ils sont tannés, en tout cas, sont capables. Il a quand même bien joué, mais sont capables de gagner aussi sans lui. Fait que à ce niveau-là, on verra bien, mais on va évaluer le seuil de tolérance à notre ami Bill. La nouvelle de la semaine, c'est les carrières qui se sont blessées autant dans la NFL que dans la NCAA. Mais dans la NFL, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe vraiment, là. Drew Brees parti pour 6 semaines. Big Ben parti pour l'année. Après ça, t'as Il y a pas Cam un Newton qui est blessé Cam à Newton, Caroline. Trevis Siemian aussi qui est blessé. Écoute, c'est vraiment l'hécatombe. Oui, c'est. Mais je pense que je l'ai écrit dans un de tes commentaires, puis je l'avais. Je trouve que. Là, je parle toujours du camp d'entraînement, mais des joueurs comme. Je trouve qu'ils se préparent pas assez, mais tu sais, c'est quand même un sport de contact. Mais là, de plus en plus, il faut que la ligne offensive protège ces joueurs-là, parce que ça a été toutes des. Mais tu sais, c'est des. Tu sais, Drew Brees, ça a été de la malchance. En lançant, il a cassé son pouce sur le joueur, Big Ben. Mais tu sais, des choses qui arrivent, mais de plus en plus, je trouve qu'il y a aussi une préparation à faire en camp d'entraînement au niveau physique. Puis au niveau de l'équipe. Parce que c'est pas. Tu sais, quand on dit OK, Big Ben, repose-toi là, pendant le camp d'entraînement, mais il faut que tu t'assures que ta ligne offensive soit prête pour protéger ce corps arrière-là. Fait que. Il y a cette affaire-là, mais oui, je pense que le plus malchanceux, c'est les Jets, parce que Sam Darnold, il a une mononucléose. Puis là, Trevor Siemian le remplace lundi soir, puis il se blesse. En tout cas, il y a 6-7 équipes avec des nouveaux corps arrière, dont la moitié et plus, c'est dû à des blessures. Les autres, c'est Tu te les équipes rappelles-tu d'une année sont ou impatientes. d'une année, je me rappelle pas, mais d'une année où ça avait tombé de main. Ah non, non, non, Non, hein? non. C'est pour ça que je pense pas que j'ai déjà vu ça, parce que justement, tu sais, les camps d'entraînement au niveau physique, puis au niveau de la responsabilité des joueurs, puis c'est drôle parce qu'il y a tellement des pénalités que je me demande si le corps arrière prend pour acquis aussi qu'il est protégé, mais tu sais, je veux dire, au niveau physique, c'est 50%, c'est de la malchance, l'autre 50%, c'est aussi soi-même ou la situation. Fait que c'est vraiment un début de saison, mais on en profite, ça va être un beau dimanche pour voir tous ces nouveaux corps arrière-là, Effectivement. les voir aller aussi, là. Effectivement. Donc, On va suivre ça de très très près. J'avais oublié Nick Foles là, également. Nick Foles qui est remplacé par un jeune qui va très très très bien. Si on y allait maintenant, la grosse nouvelle également, c'est à New York. C'est pas une surprise, pas du tout. On savait que ça allait arriver cette année, mais on savait pas quelle semaine. Mais c'est arrivé cette semaine. Darnell Jones qui remplace Eli Manning. Moi, j'ai l'impression qu'Eli Manning, sa carrière n'est pas terminée. Eli Manning va être soit échangé ou encore libéré, probablement plus libéré, parce qu'il y a trop d'équipes et je serais pas surpris, mais qu'il y a encore du bon football. C'est peut-être juste un changement d'air dans son cas. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Danny. Puis en plus, on parle des équipes où ce qui ont perdu leur leur carrière pour des blessures. C'est des belles occasions pour aller voir parce que je me demande si Eli Manning est rendu pour un changement d'air. Il reste quand même une couple d'années. Oh, ouais. S'il y a une bonne équipe devant lui, tout est possible. J'ai trouvé le changement un peu rapide, là, mais en tout cas, ils veulent Daniel Jones s'aider en ayant un bon camp d'entraînement. Fait que c'est pour ça que moi j'attendais, ouais, c'est ça. J'attendais plus dans à peu près quatre semaines, mais là c'est quand même assez vite. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a des téléphones qui se fait pour voir. Mais il y a aussi l'air, il y a de l'air d'un gars. En tout cas, il l'a bien pris. C'est un homme quand même assez professionnel. Il l'a bien pris. Puis je sais pas s'il veut changer d'équipe. Je sais pas. Le gars, il a quand même gagné deux Super Bowls. Je sais pas jusqu'à quel point il peut faire le temps de la renommée, mais moi, je me suis prononcé là-dessus. Oui. C'est très. Je sais pas. Plus non que oui. Plus non que oui, mais c'est limite des deux bords. Le gars, quand même, a participé à gagner deux Super Bowls. A été sélectionné à quatre Pro Bowls. C'est pas rien non plus, là. Mais, ouais. C'est limite des deux côtés. Super Bowl. C'est Super Bowl, il a performé quand c'était le temps. Puis, mais c'est encore drôle, mais je pense que moi aussi je suis plus vers le nom que oui, mais il y a quand même, mais il y a pas, les dernières années, les statistiques l'aident pas non plus. Là, okay. Fait que... Meilleur match de la fin de semaine, écoute bien là. Moi, j'ai l'impression, je vais y aller moi avec celui de 13h. J'aurais jamais dit ça à Baltimore, à Kansas City, deux carrières qui sont en feu. Lamar Jackson d'un côté, Pat Mahomes de l'autre côté. Écoute, c'est sûr que si Drew Brees aurait été là, j'aurais pas choisi Nouvelle-Orléans-Seattle. Ça, c'était pas mauvais non plus. Comment tu vois ça, toi, ce match-là? C'est mon match de 13h. T'es pas tout seul, Danny. Tout le monde est d'accord avec toi. C'est le match de la semaine. Ouais. C'est les Ravens. Parce que dans les autres cas, à cause de justement des nouveaux corps, les match-ups sont un peu... c'est pas si intéressant que ça. Mais oui, le match de la semaine, c'est Baltimore contre Kansas City. Deux équipes qui ont pas perdu encore. Ça devait être un festival offensif avec les deux corps arrière, les plus talentueux et jeunes, en Pat Mahomes puis Lamar Jackson. C'est sûr, ils sont à Kansas City. Je donne toujours l'avantage, surtout à Kansas City, pour Pat Mahomes. Mais Lamar Jackson, c'est quand même intéressant. Puis on va voir quand même, tu sais, Baltimore a quand même eu deux matchs. C'est un gros test pour les Ravens pour savoir jusqu'où ce qu'ils sont, parce qu'on sait très bien que Kansas City sont dans la course. Et là, Baltimore, avec la blessure à Big Ben, Pittsburgh, les Browns qui sont un peu plus ou moins bien déboutés, puis où on oublie les Bengals, les Ravens sont dans la course pour gagner l'Américaine. Donc, c'est le match de la semaine à voir, puis je suis entièrement d'accord avec toi, ça va être à 13h. Okay. Mais on va le regarder, ouais. Il reste un match à 16h25 également, Nouvelle-Orléans-Seattle, ça reste pas mauvais pareil, parce que Teddy Bridgewater, c'est un bon backup, là. C'est un des bons backups de la NFL, donc les Saints, ça va être dur de gagner le Super Bowl. Moi, je vais favoriser pour aller au Super Bowl, mais là tu perds Drew Brees 6 semaines, donc ça va être très très dur. Donc, mais c'est un match quand même à regarder pour moi, toi. Oui, ben je suis d'accord avec toi, parce que Teddy Bridgewater, c'est le corps substitut qu'on veut tout voir aller, parce que c'est un gars qui a investi, qui a voulu demeurer à Nouvelle-Orléans. Donc il y a eu même un offre pour aller à Miami, puis il l'a refusé. Donc j'ai l'impression que Sean Payton, on va voir si cette équipe-là est aussi préparée avec Teddy Bridgewater. Fait que oui, c'est un. C'est pas le même style carrière que Drew Brees, par contre. Non, je sais, mais puis c'est un gars qui revient d'une grosse blessure, ouais. Donc T'sais, il vient vraiment, il a eu une année pour s'adapter, s'acclimater. Là, on lui donne une équipe. Je pense que c'est une belle opportunité pour lui. On va voir qu'est-ce qu'il en est avec lui. Puis Seattle joue bien, pas assez bien que je pensais, mais sont capables de donner du fil à retordre. Mais ça va être un autre match à surveiller aussi. OK. Tes autres matchs, toi, t'as-tu. Oui, vas-y, t'as ton autre match, t'es. Mon autre match que j'aimerais voir, c'est les Falcons contre les Colts aussi. Ouais, c'est ça. J'aimerais voir, c'est drôle parce que les Colts jouent quand même du bon football avec sans Andrew Luck. Ils vont se fier pas mal sur leur jeu au sol puis leur défensive. Falcons, à chaque année, on sait pas quel genre, on les compare à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là. On va voir comment que les Falcons réagissent parce que sont quand même une équipe offensive. Fait qu'on va voir comment que les Colts va les défendre. Ça va être un match vraiment où ce qu'on va pouvoir mesurer autant d'un côté que de l'autre. Puis moi, mes autres matchs, veux pas, j'en ai pas de match, je veux suivre les nouveaux corps arrière qui vont Ben moi, remplacer. je vais regarder, écoute, On va jeter un coup d'œil là-dessus. j'enregistre, c'est prévu que j'enregistre les deux matchs de 13h, les Pats contre les Jets, parce que le baseball est encore là, hein? Puis j'ai investi Oui. dans le baseball, fait que moi, de ce temps-ci, j'écoute un match à 16h de football, puis un match à 13h de baseball, puis j'enregistre un match ou deux de la NFL, fait que j'ai pas le choix, fait que OK. c'est le même que ça roule, mais 16h25, moi, je vais être à l'écoute en direct du match Pittsburgh-San Francisco, c'est niaiseux, c'est absurde, hein? Mais j'ai hâte de voir Mason Rudolph, qui est un bon que Ben. jeune carrière. C'est pas si dramatique que ça. Je voyais les commentaires Non. des gens de Pittsburgh, là. Hey, c'est la fin, on fera pas les Ouais, la séries. fin du monde, Non, il est pas mais t'as mauvais, Mason raison. Rudolph, là. Ouais, parce qu'après Teddy Bridgewater, là, dans les quarts substituts qui vont partir cette semaine, ben Minshew hier avec Jacksonville, il a Très super bon. bien performé, mais Mason, t'es vraiment, t'es sacoche, Danny, là. Mason Rudolph a très bien joué. L'équipe joue bien derrière lui. Ça va être un match aussi intéressant parce qu'on va voir aussi est-ce que vraiment les 49ers avec une fiche de 2-0 sont vraiment une équipe à suivre. Ça va être très intéressant parce que de l'autre côté, les Steelers sont quand même 0-2. Donc, ça va être vraiment un match intéressant à voir. Puis Mason Rudolph, là, c'est un très bon corps arrière. Puis il est bien préparé. Tu sais, quand ils suivent des grands noms là, comme Big Ben puis tout ça, ces corps substituts-là, c'est pour ça qu'on parle de Bridgewater puis tout ce monde-là. Là. Quand ils sont bien, quand leur corps partant est une bonne référence, l'équipe a suivi très bien. Puis non, c'est un bon match à suivre, les Steelers et 49ers. Ça faisait partie de ma liste aussi, là. Tony, très intéressant. Retourne à tes rénovations. Fait que puis nous, ben, on se reparle dans notre podcast la semaine prochaine. Parfait, bon Site week-end de internet football à le tout le Blitz monde. NFL, Tony Guzzo.